Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science. Aujourd'hui, épisode numéro 35. Salut, professeur Fun. Salut Mathieu, Tout ça va fait bien? plaisir. Ouais, ça baigne. Et toi? Écoute, oui, enfin, moyennement, un peu de journée difficile, mais bon, on se remet, on se Bah, remet. ça va aller mieux. Le week-end est là. On est vendredi, donc on enregistre vendredi. Aujourd'hui, on a l'habitude d'enregistrer le jeudi, mais bon, on a eu. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Je crois aujourd'hui. On enregistre vendredi. Alors aujourd'hui, évidemment, plein de petites news, plein de choses et un dossier du professeur Fun. Alors, comme on l'a dit les derniers épisodes, on va directement attaquer d'abord le dossier et après le dossier, on va parler un peu des différentes choses dont on veut vous parler. Ça va pour toi, professeur Fun? Mais ça va très bien, c'est parfait. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de la caféine. Exactement. En fait, je voulais parler d'un sujet un peu terre à terre après ton dossier sur la matière noire, et puis je me suis retrouvé à parler de radiation. Cette fois, je voulais quand même, voilà, revenir un peu sur Terre, parler d'un truc bien concret qu'on connaît tous, et puis qu'en fait, on connaît peut-être pas si bien que ça. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'un sachet de thé trempé deux fois, trempé une deuxième fois, ne contient plus de théine? Est-ce que la théine et la caféine, c'est la même chose? Est-ce que ça a les mêmes effets? Est-ce que c'est vrai qu'un Red Bull fait effet 6 heures après l'avoir consommé? J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Qu'un long jus de chaussette contient plus de caféine qu'un ristrette? C'est quoi Que. cette histoire? Ouais, tu vois, c'est toutes sortes de choses que j'entends comme ça. Je ne sais pas si tu entends les mêmes. Plein de Écoute, questions, des le Red Bull, préjugés. j'avais jamais entendu parler alors que ça faisait 6 heures après l'effet. Ouais, bah tu vois, moi je connais des gens qui en sont absolument convaincus, qui organisent leur soirée en fonction de ça, qui commencent leur consommation de Red Bull dans l'après-midi du vendredi. Voilà. Est-ce que la caféine a des pouvoirs amincissants étonnants, comme l'annoncent les devantures des pharmacies? Et puis, ouais, globalement, est-ce que c'est pas un peu surprenant que ce breuvage étrange ait envahi pratiquement toute la planète, qu'on en consomme une quantité invraisemblable chaque jour, malgré ou grâce peut-être à son effet psychotrope? Enfin bref, voilà, ça fait un moment que j'entends tout et son contraire sur la caféine, et puis cette fois, je voulais en avoir un peu le cœur net. Donc, en brave podcasteur scientifique, j'ai mené ma petite enquête. Alors, on va Excellent. commencer. Ouais, tu vois. On va commencer par les fondamentaux. Donc, pour un chimiste, la caféine, c'est une molécule C8H10N4O2, si tu veux tout savoir. Elle répond au doux nom de 1,3,7-triméthylxanthine. Xanthine, pardon. Et bon, pour le reste du monde, bah, cette molécule s'appelle caféine, ou théine, ou guaranine, mathéine, méthylthéobromine ou encore méthylthéophiline. Bah, tous ces termes sont parfaitement synonymes. Donc, tu as dit caféine ou théine. Donc, Exactement. c'est un synonyme. C'est parfaitement synonyme. Caféine ou théine, c'est la même chose. C'est la même chose que la guaranine aussi qu'on trouve dans le guarana, c'est une plante Guarana, ouais. brésilienne, voilà, aux mille et une vertus, selon le marketing, Mais toujours. d'ailleurs, il y a des sodas au guarana. Je sais pas si tu as déjà goûté. Moi, j'adore ça. Ouais, j'ai eu l'occasion d'en goûter, bah, par une amie brésilienne en fait. Ici, j'en ai jamais vu. Je sais pas, en Espagne, c'est un truc que tu trouves Non, à c'est pas très grande. courant, mais on trouve justement dans les magasins latinos D'accord. qu'ils importent, je crois. Ouais. Ok, donc là, on a déjà répondu à une question. Caféine, théine, c'est la même chose. Mais, il y a toujours un mais, étonnamment, boire du café ou boire du thé, ça n'a pas les mêmes effets quant à l'assimilation de la caféine. Donc là, un petit détour par Wikipédia s'impose. Wikipédia qui nous dit l'effet sur l'homme de la caféine provenant du thé est plus doux et plus progressif que celle provenant du café. Cette différence s'explique essentiellement par le fait que le thé contient une grande quantité de tanins qui ralentissent l'assimilation de la caféine. De plus, bien que le thé contienne plus de caféine que le café, à poids égal, une portion habituelle en contient beaucoup moins, car le thé est normalement bien plus faiblement infusé. C'est vrai qu'on laisse juste tremper notre sachet de thé. Ouais, on n'y va pas à coups de percolateur comme on le fait pour l'espresso. Bon, avant que tu parles de D'accord. café, juste. Quantité de l'infusion, le type de thé, les conditions de croissance, les procédés de transformation et d'autres variables influent également sur la teneur en caféine et qu'il n'y a pas de relation entre la couleur d'un thé et sa teneur en caféine. Ainsi, des thés tels que le pâle thé vert japonais Gyokuro contiennent bien plus de caféine que d'autres thés plus foncés tels que le Lapsang Souchong qui en contient très peu par exemple. D'accord. Voilà. Comme dirait notre ami Marc Montangero, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, que se passe-t-il chimiquement ? Juste, tu m'entends là ? Oui, je t'entends. Non, juste il y a quelques secondes, j'ai essayé de faire une intervention, puis tu as continué de parler en même temps, et je crois que tu ne m'avais pas entendu. Ah ouais, je ne t'ai pas entendu du tout, alors j'espère qu'on n'a pas trop de coupure. Non, je voulais juste dire que, avant qu'on parle plus précisément de café, moi, je ne bois pas de café, je déteste ça, et je n'en ai jamais bu dans ma vie. Donc voilà, je précise juste. C'est marrant. Je ne connais absolument pas l'effet de la caféine dans le café. D'accord, mais tu bois du thé. Je bois du thé, oui. Et du guarana. Et, ouais, très occasionnellement, alors. Du coca, des choses comme ça. Beaucoup de coca, ouais. J'adore ça. Ouais. Bon. Donc, ouais, je pense que t'es aussi addict à la caféine que nous autres, les buveurs de café. Donc, on disait, chimiquement, donc la caféine, c'est une molécule de la famille des méthylxanthines. Et la plupart des méthylxanthines, comme chacun le sait, sont utilisées comme pesticides, aussi bien par l'homme que par les plantes elles-mêmes. Et on pense que la caféine est utilisée pour, donc dans la nature, naturellement, pour empoisonner les parasites et les décourager de s'en prendre à nouveau à la plante qui la produit. Dans le cas où ils survivent à la métabolisation de la caféine, évidemment. Et parce que la caféine est toxique pour les cellules végétales, elle est stockée dans des compartiments spéciaux appelés vacuoles. C'est des espèces d'armoires à pharmacie au sein de la plante qui gardent la caféine à l'abri du reste de la plante et ne la libèrent qu'en cas de besoin. Donc la plante qui produit la caféine ne profite pas du petit coup de boost bien utile au réveil le lundi matin. Comment elle s'appelle, la plante qui produit la caféine ? Alors c'est le caféier. Le caféier. Ouais, entre autres, mais toutes les plantes qui produisent de la caféine, enfin, il y a d'autres plantes qui produisent de la caféine, il y a le théier notamment, l'arbre à guarana, dont j'ai oublié comment il s'appelle, ouais. Et puis d'autres plantes qu'on consomme, dont on ne consomme pas forcément les baies, mais enfin, la caféine, en tant qu'on retrouve avec ses effets pesticides, on la retrouve un peu partout dans la nature, pas que dans le café. Ok. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette image qui circulait sur Internet il n'y a pas longtemps de la toile d'une araignée qui a pris de la caféine. Non, ça me dit non. Rien. D'accord, c'est spectaculaire, tu verras. Je l'ai mise dans le dossier, j'invite tout le monde à aller y jeter un coup d'œil. En fait, on voit tout de suite que la pauvre araignée ne tourne pas très rond. Ces toiles qui d'habitude sont des figures géométriques parfaites, c'est juste une espèce de gros n'importe quoi. Quelques fils par-ci par-là. Enfin, on voit que l'araignée est complètement pétée. Manifestement, ça lui convient pas du tout. Et certains plus grands animaux que les insectes sont également très sensibles à la caféine, qui est carrément toxique pour les chevaux et les chiens, comme la théobromine pour ces derniers qu'on trouve dans le chocolat d'ailleurs. On sait qu'il faut pas donner de chocolat aux chiens. Il faut pas leur donner de café non plus. C'est à cause de la caféine qu'il faut pas donner du chocolat aux chiens? Non, c'est à cause de la théobromine, essentiellement, qu'on trouve dans le chocolat. Mais on trouve également de la caféine, d'ailleurs, dans le chocolat. Donc le chocolat est doublement dangereux pour le chien. Et chez nous autres, on peut se poser la question, parce que la caféine comme pesticide est sans doute très efficace contre certains insectes, vertébrés, bactéries et champignons, mais manifestement, ça ne protège pas du tout la plante contre le plus redoutable de ses prédateurs, à savoir nous. Ça ne nous empoisonne pas aux doses auxquelles on la consomme, même le lundi matin. Au contraire, la caféine crée même une dépendance. Alors, comment est-ce qu'elle... qu'est-ce qui se passe exactement ? La caféine empêche l'enzyme phosphodiastérase, ça, il fallait que je la place une fois dans ma vie, donc elle empêche cette enzyme de désactiver une substance messagère, l'adénosine monophosphate cyclique, AMPC en cours pour les intimes, ainsi que quelques-unes de ses copines, mais enfin on ne va pas s'y attarder. Or, l'une des actions de l'hormone du stress, l'adrénaline, c'est justement d'augmenter le niveau d'AMPC dans les cellules. Donc, en inhibant la désactivation des AMPC, la caféine potentialise l'action de l'adrénaline, c'est-à-dire qu'elle elle nous laisse être stressés, et nous donne un coup de fouet. Et à plus haute dose, en cas d'usage prolongé, elle peut générer de l'anxiété, des tremblements musculaires, des palpitations, un rythme cardiaque accéléré. Et puis, dans ces conditions, évidemment, l'absence de caféine entraîne rapidement une sensation de manque, accompagnée de maux de tête, d'une impossibilité à penser clairement et de mauvaise humeur qu'on a tous expérimenté une fois ou l'autre. D'absence de caféine, notamment le lundi matin. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près les effets physiologiques de la caféine chez l'humain, Là, c'est des informations que j'ai tirées d'un article qui s'appelle Les effets physiologiques de la caféine, tiré de l'Encyclopédie des sciences alimentaires et de la nutrition en 10 volumes, deuxième édition en vente sur Amazon pour la modique somme de 4 210 $. Ah, quand même. Heureusement, ouais, on peut acheter l'article séparément. Ça m'a pas coûté aussi cher. Donc, d'abord, l'article qui date de 2003 donne quelques chiffres qui m'ont paru intéressants. Quelques 1,7 milliard de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde. C'est donc un article qui date de 2003, c'est un chiffre qui a 8 ans. Mon petit doigt me dit que Starbucks et Nespresso aidant, ce chiffre n'a pu qu'augmenter depuis. C'est quand même juste énorme, 1,7 milliard de tasses. Deuxième surprise, les plus gros consommateurs ne sont pas ceux qu'on croit, en tout cas pas ceux que je croyais moi. Les Finlandais consomment 60 000 tonnes de café par année, soit l'équivalent de 11,2 kilos de café vert brut par personne et par an. Contre seulement 5 kilos pour les Italiens. C'est pas tant, hein? Ouais. Bon, Et c'est peut-être aussi les quantités de café qu'ils prennent. Les Italiens sont connus pour prendre des petits ristretto, des petites doses, et peut-être que les Finlandais ils prennent des gros verres de café, non? ouais, c'est tout à fait possible, effectivement. C'est vrai que ouais, dans le Nord, on a plutôt tendance à consommer des longs machins un peu insipides. Mais du coup, ouais, ça fait plus de café brut. Enfin, mais ça m'a quand même épaté. Je pensais que. Ouais, que c'était le contraire, quoi. Les Espagnols en boivent encore moins. Tu es sans doute pour quelque chose avec ton addiction au coca. 4,4 kilos de café vert par personne et par an. Puis comme ça, pour nos auditeurs, ça peut les intéresser. C'est 5,6 pour la France et 7,5 pour la Suisse. On en boit beaucoup plus en Suisse. Alors, c'est peut-être les longs cafés des Suisses allemands, je sais pas. On en voit plus donc en Suisse qu'en France. Ouais, c'est Ouais. marrant, hein. Bon, on est... C'est la patrie de Nestlé aussi, la Suisse. Ça y est peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Et donc, bah, pour reprendre notre histoire d'effet physiologique, la caféine ingérée est absorbée et distribuée à travers tous les tissus du corps en quelques minutes et éliminée en quelques heures. Donc, environ 4% est éliminé via l'urine et puis le reste est métabolisé avec une demi-vie de 2 à 6 heures pour un adulte en bonne santé. En d'autres termes, admettons, je me prends comme cobaye, j'ai un métabolisme moyen. Je bois un express à 14 heures et j'absorbe environ 40 mg de caféine. Donc à 14 heures et des poussières, on va dire 14 h 30, la caféine est déployée dans mon organisme, mon foie se met à la processer. Et en admettant que je n'ai pas repris de café entre-temps, ce qui est hautement improbable malheureusement, après 4 heures, soit vers 18 h 30, la moitié de la caféine absorbée est éliminée. Donc il en reste 19,2 mg en circulation. Parce qu'à cette heure-là, je considère que les 4% éliminés par voie urinaire sont déjà loin. Après encore 4 heures, soit à 22 h 30, il en reste la moitié de la moitié, soit 9,6 mg. 4 heures plus tard, à 2 h 30 du matin, plus que 4,8 mg, soit l'équivalent d'un café décaféiné. Et je me demande pourquoi j'arrive pas à dormir. Tu consommes beaucoup de café? Ouais, un petit peu trop. J'essaie de faire attention, j'essaie de plus en boire l'après-midi par exemple, mais quand même, quoi, j'ai tendance à carburer au café. Ouais. Donc la demi-vie de la caféine, pour y revenir, dans l'organisme est prolongée chez les femmes enceintes et les personnes ayant des soucis au niveau du foie. Et au contraire, elle est raccourcie chez les fumeurs. Et la consommation de café caféiné augmente le temps nécessaire pour trouver le sommeil, c'est évident, tout en raccourcissant la durée du sommeil à proprement parler, plus particulièrement chez les sujets plus âgés. Wikipédia, dans sa version en anglais, a un article vraiment très complet sur la caféine et nous en dit encore un petit peu plus sur les mécanismes d'action de la caféine sur le cerveau. Donc le mode d'action principal de la caféine, peut-on y dire, est un antagoniste des récepteurs d'adénosine dans le cerveau. Donc on va faire un peu de décryptage. L'adénosine, c'est une molécule qu'on trouve partout dans le corps, qui joue un rôle important dans le métabolisme. Et au niveau cérébral, elle joue un rôle très particulier. Elle possède même des récepteurs spécifiques. En gros, quand l'adénosine se fixe sur ces récepteurs dans le cerveau, ben, clic, on a envie de dormir. Alors la caféine, elle traverse facilement la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière présente chez tous les vertébrés terrestres, dont nous, qui sépare la circulation sanguine du système nerveux central. Et une fois dans le cerveau, ben, elle squatte les récepteurs d'adénosine sans désactiver. Et hop, on se sent moins fatigué. Donc on est toujours aussi fatigué, hein, mais c'est juste qu'on n'a plus le signal qui nous dit qu'on devrait se sentir fatigué puis, et se reposer. Donc voilà, un petit peu compliqué tout ça. Alors on va peut-être ressortir du cerveau puis explorer les effets un peu plus globaux. Donc les effets de la caféine prise avec modération. D'abord, la quantité précise des effets vraiment beaucoup d'un individu à Ah, l'autre. excuse-nous, on a une petite coupure, tu peux juste Ah, reprendre? flûte. D'accord, elle était où la coupure, dis-moi? Juste après, juste quand tu as l'air passé des effets plus globaux. Là. D'accord. Ok, donc je disais qu'on va explorer d'abord les effets de la caféine prise avec modération et que la quantité précise de caféine nécessaire pour produire les effets varie évidemment beaucoup d'un individu à l'autre en fonction de sa taille, de son poids, de sa tolérance à la caféine, mais également en fonction de la rapidité de vidange de l'estomac, de différences génétiques dans le métabolisme, d'autres contenus éventuels dans l'estomac, et ouais, du processus de métabolisation de la caféine à proprement parler, qui peut là aussi varier d'une personne à l'autre. On va dire qu'une dose orale de 200 mg, c'est-à-dire de 2 grands cafés de cafetière, réduit les temps de réaction de manière significative. On parle de 4% environ pendant les 30 premières minutes, de 15% pendant les 30 à 60 minutes suivantes et de 18% pendant les 60 à 90, 90 minutes suivantes. Puis les effets disparaissent en général dans les 3 heures, même si on vient de le voir, la caféine reste présente dans l'organisme un peu plus longtemps. Des études ont également conclu à une amélioration des performances physiques, notamment une augmentation de l'endurance de quelques 40 à 51% chez les coureurs et les cyclistes après un dosage de 9 mg de caféine par kilo de masse corporelle. Et d'ailleurs, le CIO a classé la caféine comme substance dopante si le seuil de 12 mg par litre d'urine est atteint, ce qui, selon mes petites recherches, correspond quand même à l'ingestion de 600 mg de caféine 1 à 2 heures avant le contrôle, soit entre 10 et 30 expresso. Ouais. On est quand même assez loin d'un usage normal. Bon, en intraveineuse, Ouais, peut-être que ça passe plus ça facilement, passe plus effectivement. facilement, hein. Ouais. En tout cas, ça doit être mieux pour l'estomac. Et sinon, le citrate, pardon, de caféine, c'est-à-dire un sel à base d'acide citrique et de caféine, est utilisé dans le traitement à court terme de l'apnée de la prématurité, c'est-à-dire l'absence de respiration chez les enfants prématurés. La caféine est également connue pour potentialiser d'autres substances actives. Alors, je sais pas, en Espagne, c'est très courant. En Suisse, j'ai l'impression que c'est pas tellement le cas, mais ailleurs, on trouve très facilement des analgésiques contre les maux de tête, donc paracétamol, aspirine, qui sont combinés avec de la caféine dans leur formulation, parce que la caféine potentialise l'effet analgésique. Je sais pas, en Espagne, c'est un truc qui est courant? J'en sais rien alors. D'accord. T'étais comme moi, tu prends un paracétamol une fois tous les 10 ans, c'est Ouais, ça? exactement. Ouais. Et encore. Et ouais, non, très rarement, je prends en fait, je suis très rarement malade, j'ai très rarement des mal de tête, donc bon. Et puis, les rares fois où je prends quelque chose, je regarde pas trop non plus la composition et la posologie. Ouais, t'es trop malade pour Non, mais. t'intéresser. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, ouais, c'est des noms un peu scientifiques qui me disent pas grand-chose non plus, donc bon. Ouais, la science, c'est pas ton truc. Non, c'est pas ça, mais ouais. Je charrie. Je te sens un peu ironique là. Mais non, mais ouais, ça, voilà quoi. D'accord, bon. Bon, sinon, on combine aussi la caféine avec de l'ergotamine pour le traitement des migraines, avec de l'éphédrine pour stimuler la perte de poids. Et on s'en sert aussi pour limiter les effets de somnolence de certains antihistaminiques, c'est-à-dire les anti-allergiques en bon français. Et certaines études ont montré qu'une consommation accrue de caféine protège le foie, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, notamment chez les alcooliques, les personnes souffrant d'obésité ou d'hémochromatose, donc c'est une maladie héréditaire qui se caractérise par la surcharge de fer dans les organes, principalement dans le foie, justement. Le mécanisme exact de cette protection à l'heure actuelle est encore inconnu, mais on sait qu'il y a une interaction, que la caféine fait quelque chose. Donc là, évidemment, je mets les liens sur les différentes études dans le dossier qui sera disponible sur le site. Et puis, il semblerait que la caféine ait également des effets sur la mémoire. Mais bon, ce que j'ai réussi à trouver est extrêmement controversé. Selon certaines études, l'impact sur la mémoire à court terme ou à long terme est positif. Et selon d'autres, c'est totalement négatif. Donc, j'ai pas eu l'occasion de creuser jusqu'au bout. Je préfère ne pas en parler. Il y a probablement des choses, mais enfin là, on va peut-être attendre que les chercheurs se mettent d'accord. Donc voilà pour les effets à dose normale. J'allais me lancer dans la rédaction d'une section surdose de caféine quand j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure d'une personne chère, mais qui s'est un peu éternisée. Enfin, du coup, pas de section surdose dans mon sujet, désolé. On relèvera juste que, outre la désaccoutumance pénible qu'on a probablement tous subie à des degrés variables une fois ou l'autre, les effets néfastes de la caféine peuvent être extrêmement graves, allant de la simple intoxication aux troubles psychiatriques carrément avancés, en passant par des troubles du sommeil. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, on pourra y revenir une fois. Je pense que c'est un sujet à part entière. Sinon, une autre question que je me posais pour ne pas perdre de vue les quelques questions initiales, c'était ben, quelle dose pour quelle boisson? Pour répondre à ma question, est-ce qu'un grand jus de chaussette contient davantage de caféine qu'un ristret hyper corsé? Donc là, j'ai piqué un tableau sur Wikipédia qui est disponible dans le dossier sur le site. Les chiffres correspondent pas exactement à ceux que j'ai trouvés dans l'encyclopédie citée plus haut, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée des proportions. Enfin, de toute façon, c'est pas bien loin. Alors, je les ai pas toutes retenues, mais on notera par exemple qu'un café filtre, donc d'une portion de 207 millilitres, ça veut dire une grande tasse américaine, contient entre 115 et 175 milligrammes de caféine par portion, alors qu'un express en contient entre 40, 44, pardon, un express, donc une petite tasse de 44 à 60 millilitres, en contient 100, environ 100 mg par portion. Donc ça répond effectivement à notre question. Un grand café filtre, un peu délavé, contient beaucoup plus de caféine qu'un express. Dans l'absolu, relativement, évidemment, c'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de caféine par litre dans un express que dans un café filtre, mais on en boit rarement un litre. Donc voilà, en gardant à l'esprit cette référence de 100 mg par portion pour un express, c'est intéressant de relever que dans un coca, il y en a 34 mg pour une portion. Donc là, la portion, c'est des unités américaines, on est à 355 millilitres, donc c'est une bouteille de 3 déciles et demi, quoi. Bon, en général, il faut soit un peu moins, soit un peu plus, ça fait rarement. Donc il y en a moins que dans un verre de café ou même que dans un expresso. Il y en a 3 fois moins que dans un express, ouais. Bon, je pense que les bouteilles de coca standard aujourd'hui, c'est plutôt un demi-litre que 35 millilitres, donc ça va faire un demi-café en fait. Un demi-litre de coca, ça contient la même quantité de caféine qu'un demi-expresso. Et puis le Red Bull, que je croyais sursaturé en caféine, qui est vraisemblablement davantage sursaturé en marketing, c'est 80 mg par portion, donc c'est moins qu'un express. Mais l'effet excitant qu'on donne au Red Bull, c'est uniquement dû à la caféine ou il y a d'autres substances qui auraient un Ouais, rôle? il y a d'autres trucs, il y a de la taurine, je crois, mais je crois que c'est l'effet, c'est la caféine, effectivement, qui a cet effet excitant. Ouais, J'ai pas creusé plus que ça sur la composition du Red Bull. donc c'est beaucoup de marketing finalement. Ouais, je crois aussi. Je pense que si on veut avoir un petit coup de boost en fin de soirée, mais ou un petit expresso. Bon, moi, je bois très rarement du Red Bull, mais les quelques fois où j'en ai pris, j'ai rien remarqué de spécial. Ouais, si ce n'est que ça a un goût de chewing-gum. Ouais, Bon. c'est que j'aime pas en fait. C'est pour ça que Ouais, c'est j'en ça. bois pas, bah, je trouve ça pas très bon. Mais enfin, chacun est libre de ses croyances. Voilà. Alors sinon, une autre question que je me posais, c'était sur les vertus amincissantes du café. Ben là, sincèrement, aucune idée. J'ai pas vraiment trouvé. L'idée a l'air d'être très en vogue sur les forums, sur les sites de clubs de fitness, dans les devantures de certaines pharmacies. Mais de mon côté, j'ai rien trouvé qui saute aux yeux, franchement, dans les différentes sources scientifiques que j'ai consultées. Si ce n'est justement cette potentialisation de l'effet de l'éphédrine qui là, alors, est documentée. Mais ce serait pas un effet indirect parce que ça rendrait les gens plus nerveux et quand t'es plus nerveux, peut-être tu consommes plus de calories ou quelque chose comme ça. Peut-être, peut-être. Moi, je pense que c'est un gros effet placebo et marketing, en l'occurrence. Mais bon, on peut, si jamais ça intéresse quelqu'un, là aussi, on peut creuser davantage, parce que j'avoue que je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc. Mais bon, je pense que s'il suffisait de s'enduire les bourrelets de caféine pour retrouver sa silhouette, bah, ça fait longtemps que la pratique se serait généralisée, quoi. C'est nouveau un de ces trucs miracles. Qui voilà qui n'a que les effets que ça peut avoir, placebo aidant beaucoup, je pense. Sinon, j'avais entendu d'autres trucs, comme tremper deux fois son sachet de thé pour en extraire la caféine. Alors, t'as entendu parler de cette histoire? Donc, tu laisses tremper ton sachet une première fois dans de l'eau bouillante. Une fois qu'il a trempé, tu jettes le thé en gardant le sachet, puis tu retrempes le sachet une deuxième fois dans de l'eau propre, et puis là, tu aurais du café sans caféine. Qu'est-ce que tu en penses, Du toi? thé sans caféine, tu veux dire? Et sans théine, ouais. Du thé sans théine. Écoute, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça me paraît un peu bizarre. Ouais. J'y crois pas trop, quoi, mais. Ouais, alors dans mes investigations, les conseils vont bon train un peu partout sur le web, surtout sur les FAQ de marchands de thé et les sites américains genre La Vie, Mode d'emploi. J'en ai trouvé un exemple sur ihao.com, je mettrai le lien. Donc selon ces différentes sources, il suffirait de faire tremper un sachet de thé pendant 1 minute dans de l'eau bouillante et la totalité ou presque de la théine en serait extraite. Se retrouverait dans l'infusion, donc on jette l'infusion comme je viens de le dire, et on retrempe son sachet, puis ensuite on peut boire le deuxième thé qui serait vierge de toute caféine ou toute théine. Bah, au risque de décevoir les adeptes, c'est pas exactement ce que la recherche suggère. Donc en effet, faire tremper le sachet pendant 1 minute ne suffit pas. Si on veut avoir un résultat intéressant, c'est pendant 5 minutes au moins, puis on arrive à en extraire 70%, donc 70%. Et la seconde infusion, pour peu que ça vaille quelque chose, je me demande quelle saveur ça peut bien avoir quand le sachet a déjà trempé Ouais. pendant 5 minutes ailleurs. La seconde infusion contiendra tout de même au moins 23% de caféine. Donc, bof. Voilà, c'est un mythe plus qu'une réalité, encore une fois, malheureusement. Donc voilà, j'arrive gentiment au bout. Il y aurait certainement eu, comme toujours, encore 1000 choses à dire sur le sujet, mais je suis assez content d'avoir répondu à peu près aux questions initiales, ce qui est déjà pas mal. Je m'en prie un peu moins bête, j'espère que nos auditeurs aussi. J'aurais voulu creuser davantage sur cet aspect de la généralisation du café, qui reste pour moi un mystère quand même. Pourquoi est-ce que c'est la seule boisson disponible pendant les réunions de travail, par exemple, plutôt que, je sais pas moi, du jus de pomme ou du thé? Bah c'est le prix, c'est pas cher. Ouais, encore que. Alors, je sais pas si tu as vu le prix des capsules qui sont vendues dans les entreprises. C'est pas donné, hein. Mais bon, ça réveille, ça sent bon, c'est addictif. Peut-être que les réponses sont juste là, au fond. Et puis, il y a des intérêts économiques énormes. Mais bon, j'ai bouclé le dossier environ 30 secondes avant l'enregistrement du podcast. Je l'ai relu pour la première fois en ligne en parlant. Donc, je suis obligé d'en rester là pour cette fois-ci. Mais il y a encore plein de papiers sur lesquels je suis tombé, qui avaient l'air bien intéressants, avec des titres bien accrocheurs, mais que j'ai pas réussi à traiter et à intégrer. Donc, pour les auditeurs qui voudraient poursuivre l'enquête, les liens sont en ligne dans le dossier. Notamment un papier qui indique que les addicts de la caféine n'auraient plus de véritable effet de boost, donc ça fonctionnerait un peu comme pour les autres drogues, c'est-à-dire qu'on a des effets bénéfiques au début, puis après finalement, chaque fois qu'on se recharge en caféine, c'est juste pour se remettre à niveau, sans avoir les effets bénéfiques. Ça contredit un peu certaines des choses que j'ai pu lire ailleurs, du coup ça mériterait d'être creusé. J'ai lu d'autres trucs intéressants, la caféine aurait un effet plus patent chez les garçons que chez les filles. La caféine consommée pendant la nuit empêcherait de faire des siestes la journée. Ça me paraît assez logique. Sinon, j'ai trouvé quelques liens Ouais, aussi. mais justement, en fait, c'est très sain de faire une sieste durant la journée. C'est l'espagnol en toi qui parle Non, là. non, non, non. Non, non, mais je crois 20 minutes, 20 minutes, pas plus, une petite demi-heure à peine, À la mi-journée, une sieste, on dit que c'est très sain en fait. Ouais, bah tu vois, moi j'étais à la maison aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de juste de fermer les yeux pendant 10 minutes aujourd'hui quand j'ai eu un coup de pompe en début d'après-midi, et c'est vrai que c'est formidable quoi, ça te donne ça te donne la pêche pour le reste de la journée. Et puis, mais malheureusement, c'est vrai que nos environnements de travail sont pas organisés en fonction. J'aimerais bien qu'il y ait je sais pas, une salle de sieste au bureau avec un hamac ou quelque chose. Je suis convaincu comme toi que ça doit juste faire un bien fou de pouvoir se reposer à un moment de la journée. Mais ouais, on vit dans des sociétés qui sont pas organisées comme ça. C'est terrible, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, je me posais la question, toi, tu as commencé à boire du café à quel âge? Écoute, moi je me rappelle de mon tout premier café, c'était à l'adolescence, après une nuit blanche, où j'étais, je sais pas, je devais avoir 16, 17 ans Parce peut-être. que pour les enfants, il y a un âge recommandé. Alors, bah justement, j'ai aussi trouvé ça dans les différents articles que j'ai pas eu le temps de traiter, mais le lien est dans le dossier. Ah, professeur Enfant, Fon, soit franchement néfaste. on a eu une coupure là. Ah, d'accord. Quand tu as dit le lien est encore est dans le dossier, après on Ok, n'a pas entendu. d'accord. Bah le papier en question parle de l'effet de la caféine chez les jeunes enfants. Je l'ai juste lu de travers en vitesse survolée. Il semblerait que ce soit assez problématique. Alors bon, je ne sais pas après. Il faudrait regarder l'étude en détail pour voir si c'est la consommation de coca puis de sucre que ça suppose qui a cet effet chez les jeunes enfants. On parle d'hyperactivité notamment et de retard dans certains aspects du développement. Donc bon, clairement d'après cet article, la caféine n'est pas à recommander aux jeunes enfants. Ce serait à partir de l'adolescence, non? J'imagine, ouais. Ouais. Mais j'ai pas creusé plus que ça. Ok. Donc voilà, il y a encore plein de liens dans le dossier pour ceux qui veulent aller plus loin. Bon. Mais sinon, bah moi, c'est tout ce que j'ai réussi à pondre pour cette fois. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu m'as pas convaincu de me mettre au café encore, Bon, c'était pas le but, hein. Mais non, ouais, écoute, moi ça me alors j'étais sûr que la théine et la caféine, c'était deux molécules différentes, quoi, qui avaient un peu le même effet finalement, mais différentes. Alors que, ouais, surprenant. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est le contraire, c'est exactement la même molécule. Donc, pour rappel, C8H10N4O2, très content d'avoir pu la placer, mais qui ont un effet légèrement différent à cause de leur environnement. Voilà. Bon, intéressant. Je trouve que des fois, ça vaut la peine de creuser un peu des sujets qu'on pense connaître et puis qui finalement révèlent plein de mystères et de secrets. Bah, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Ok, parfait. Alors, bon, on va continuer un peu sur nos petites news de la semaine. On va revenir sur l'illustration de Lucille qu'elle nous a fait sur le dossier de la semaine passée, la chimie pour les nuls. Ouais, alors mea culpa, en général, Lucille prépare les illustrations quand elle a le temps d'en faire, en même temps que nous préparons le dossier. Du coup, tout est prêt directement. Là, j'avais oublié de la mettre dans la boucle, en fait, oublié de partager le sujet. Du coup, elle ne savait pas de quoi on allait parler jusqu'à ce qu'on en ait parlé. Alors, l'illustration est venue un petit peu plus tard, mais c'est sur le site podcastscience.fm. Ça vaut la peine, et comme toujours, d'aller voir son illustration. C'est très sympa. Et je sais pas s'il y a de la caféine dans le Nutella, mais elle semble Elle a l'air un peu accro assez au accro au Nutella, non? Nutella. Ouais. ouais, alors donc on vous invite à aller voir comment on dit c'est pas une BD, comment une planche, non? Ouais. Ouais. La planche de Lucille. La planche de Lucille. Ensuite, Xavier Agnès qui nous propose des visites, hein. Enfin, ils nous Ouais, ont déjà alors il. proposé une, ils nous ont proposé une nouvelle, là. Exactement, ouais. Il se propose de jouer les gentils organisateurs pour autant qu'il y ait des gens intéressés. Donc on lance un appel, faites-nous signe d'une manière ou d'une autre, soit nous via les moyens traditionnels ou directement à Xavier Agnès, que vous trouvez facilement. Il y a qu'à le chercher dans Google, il est partout, sur Twitter, Facebook, etc. Donc il nous propose de visiter l'Athénium à Neuchâtel, qui est un musée les pieds dans l'eau. Et puis, Un musée il nous relance. d'archéologie, non? Oui, ouais. Et puis il nous relance pour l'expo qu'il avait déjà proposé, qui est également à Neuchâtel. Peut-être qu'on peut faire un tir groupé, je sais pas. Bon, des fois deux musées d'affilée, c'est un peu fatigant, mais enfin, c'est si on boit un petit ristret entre deux. C'était l'expo Croire ou Savoir, Moi, ça me botte vraiment ce truc-là. Bon, ça finit en 2012, donc on a le temps. Genre, on attendait un peu que tu viennes en Suisse et qu'éventuellement Antoine soit dans les parages. En parenthèse, Antoine s'excuse à nouveau, il a de nouveau eu un souci de dernière minute. Donc on va arrêter d'annoncer son retour et puis ce sera la surprise quand il revient. Donc voilà, je sais pas, toi, t'as des dates? Tu sais Écoute, déjà quand tu seras en Suisse, à part début juillet pour le CERN? moi je propose que on en discute quand on va au CERN. D'accord. C'est Parce vrai, c'est une bonne idée. que avant le CERN, ça va pas être possible. Donc là pour l'instant on a la visite du CERN prévue pour début juillet. Et voilà, ce sera l'occasion d'en discuter. Et la prochaine visite, après celle du CERN, peut-être pour cet automne, on pourra programmer quelque chose. Pour visiter à Neuchâtel ses expos et ce musée. Ouais, ça roule. Bah, moi, ça me parle. Donc, tu viens avec ton agenda sous le bras? Ouais. À la visite du CERN. Et puis c'est vrai, finalement, tout le monde sera là. On pourra convenir d'une date à ce moment-là. C'est une bonne idée. En tout cas, merci à Xavier de se proposer de jouer les gentils organisateurs. C'est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, la visite du CERN, on commence à se rapprocher. Il va falloir qu'on commence à en discuter aussi un peu. Ouais, c'est vrai. Bon, il n'y a pas encore urgence, mais ouais, d'ici quelques petites semaines, on va commencer à organiser tout ça, non? Exactement, ouais. Bah, je pense que ce serait intéressant qu'on parle un petit peu des différents concepts qu'on verra pendant la visite, histoire que tout le monde soit familier avec les unités de mesure, les différents concepts qui sont maniés. Ça va être des sujets pour toi, tout ça. Bon, il faudra aussi qu'on s'organise sur le plan pratique. Déjà, on a 24 places. Et on a 27, je crois, ou 28 candidats. Donc on a des gens qui sont sur liste d'attente. Alors ce serait peut-être pas mal que les 24 premiers confirment qu'ils viennent bien, éventuellement pour libérer des places. Bon, Et je crois quand on va en discuter sérieusement d'ici quelques ouais. semaines, puis on fera un nouvel appel pour confirmer la présence de ceux qui sont annoncés. Et Ouais. s'il y a des désistements, ben on offrira la place à ceux qui sont sur la liste d'attente. Exactement, ouais, c'est l'idée. Et puis il faudra qu'on voie aussi pour la logistique, Ouais. parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, si on arrive à les caser chez les uns et chez les autres, ça peut être pas mal. Bref, on y reviendra, c'est vrai, il faut qu'on y revienne bientôt, on y arrive gentiment. Sinon, peut-être juste encore, puisqu'on parlait de Xavier Agnès, signaler que le deuxième round de sa pièce, le 20 novembre, donc ça c'est le titre de la pièce, c'est pas la date, aura lieu à Puy cette fois-ci, donc juste à côté de Lausanne, du 11 au 15 mai, donc c'est la semaine prochaine déjà, du mercredi au samedi à 20h et le dimanche à 17h, ce sera au Café Théâtre de la Voirie, rue du Centre 10 à Puy. Plus d'informations disponibles sur le site regard.ch, regart.ch/th-voirie. On mettra bien sûr le lien dans les notes de l'émission. C'est vraiment bien. Je l'avais vu à Genève, je le recommande à tout le monde. Il faut aller le voir. Voilà. Ok, ben allez-y, moi c'est un peu loin pour moi malheureusement, mais voilà, j'invite tout le monde à y aller en tout cas. Ouais, t'as bien raison. Pour continuer, Pierre Kerner, donc alias Topo, nous a envoyé une question pas si simple finalement, je pense. Il nous dit, Question pour toi. ouais, il me met dans une situation. Il dit qu'il aimerait savoir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau atomique, voire en parenthèse il met, voire plus petit, lorsque la lumière rencontre une surface réfléchissante. Et il nous dit, je pense que je pourrais trouver la réponse moi-même, mais j'ai dans l'idée que si vous cherchiez la réponse et la présentiez dans un dossier, j'en profiterais 100 000 fois plus. Alors bon, on en a déjà un petit peu parlé en fait dans le dossier que j'avais fait sur la couleur de l'océan qui est bleu. J'avais fait un dossier pourquoi la couleur de l'océan Ouais, est bleue. je me rappelle, c'était surprenant d'ailleurs. C'était Podcast Science 26. Et là, j'avais expliqué un peu le phénomène succinctement, et j'avais dit que la lumière incidente, donc la lumière c'est une radiation électromagnétique, hein, la lumière incidente sur un corps permet aux électrons de ce corps d'absorber l'énergie de la radiation incidente. Et les électrons acquièrent alors plus d'énergie et sont excités. Mais les électrons n'absorbent pas n'importe quelle quantité d'énergie. Ils absorbent uniquement les énergies correspondant à des fréquences particulières, c'est-à-dire ils absorbent uniquement des couleurs particulières. Et le reste de la radiation, qui n'a pas été absorbée par les électrons, donc c'est la radiation qui sera réfléchie, est celle qui donne la couleur au corps ou à l'objet. Et donc, postérieurement, les électrons, ceux qui ont les couleurs qui ont été absorbées par les électrons, et ces électrons excités par le rayonnement lumineux, retrouveront leur état énergétique initial en retournant l'énergie absorbée via l'émission d'une nouvelle radiation de basse fréquence, dans la gamme des infrarouges. Donc, en gros, pour résumer, quand la lumière arrive sur un objet, il y a une partie de la lumière qui est absorbée par l'objet et qui excite les électrons de cet objet, de ce corps. Et la couleur du corps, en fait, c'est la lumière qui n'est pas absorbée par le corps, qui est réfléchie. Alors ça, c'est un peu comment ça fonctionne globalement. Alors c'est vrai qu'on peut faire un dossier pour expliquer un peu plus précisément tout ça. Je ne suis pas non plus expert, mais je vais essayer de voir si je trouve une explication un peu plus poussée. Ouais, c'est une bonne idée, c'est vrai, moi ça m'intéresse aussi. Parce que t'as pas parlé de photons. Non, là j'ai pas parlé de photons. Alors il y a forcément D'accord. une interaction des photons, j'imagine, et tout. Ouais. Bah ouais. Mais Attends, un bon. dossier digne de ce nom doit parler de photons quand même. Ouais, mais finalement, enfin la question de Pierre Kerner qui demande ce qui se passe lorsque la lumière rencontre une surface réfléchissante, ben, justement dans le cas de la réflexion, il se passe après, enfin globalement il se passe rien dans le cas de la réflexion. C'est dans le cas de l'absorption qu'il se passe quelque chose. Mais bon, on va essayer de faire un dossier et d'expliquer un peu plus en détail ça. Tu vois ce que je veux dire, non? Écoute à peu près, mais je me réjouis que tu fasses un dossier. Non, ce que je veux dire, c'est dans le cas de l'absorption, il y a une excitation des électrons, mais dans le cas d'une réflexion, il n'y a justement Il y a justement pas grand pas chose, ouais. d'interaction. Ouais. Mais bon, je ne suis pas non plus expert, mais on va essayer d'approfondir un peu tout ça. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait un autre auditeur qui nous avait demandé un sujet un peu dans le genre, non? Ah, flûte, je l'ai plus sous les yeux maintenant, je me rappelle plus qui c'est malheureusement, et puis je me rappelle même plus exactement ce qu'il avait demandé. Je crois que ça avait justement un rapport avec la diffraction ou la réflexion de la lumière selon les types de verres. En l'occurrence, c'était de l'optique qui nous demandait. Ouais, c'est vrai que dans l'optique, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la diffraction, il y a la réflexion, il y a l'absorption, il y a différents phénomènes. C'est vrai qu'on pourrait éclaircir un peu tous ces phénomènes. Bon, deal, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, pas de souci. Excellent. D'ailleurs, en parlant de Pierre Kerner, alias Topo du blog SSAFT, c'est-à-dire Strange Stuff and Funky Things, on le recevra bientôt dans Podcast Science pour une interview. Je m'en réjouis beaucoup. Alors, ça, c'est vraiment un personnage intéressant. J'adore tout ce qu'il fait. Ça va être cool. Ce sera début juin. Ok. Voilà. Il a plein de projets dans ses poches, lui, Ah ouais, c'est hein. fou, hein, Ouais. c'est fou. Souvent, d'ailleurs, à chaque fois qu'on lance un sujet dans Podcast Science, enfin, à chaque fois qu'on le diffuse, il repasse derrière en nous disant, au fait, j'en avais déjà parlé Ouais, il avait toujours un article il y a qui deux traînait. ans, il y a des liens là, là et là. Cette fois, pour la caféine, je suis allé vérifier. Il a rien. Ouais, non, j'ai rien trouvé. Ok. Mais il va nous dégoter quelque chose quand même, j'en suis sûr. Bon, on aura l'occasion de discuter avec lui alors début juin. Ouais. Sinon, il y a aussi Romain qui nous informe d'un site qu'il a créé qui s'appelle staranmath.tv. Donc star, STAR-EN, donc EN-MATH, MATHS.tv. On mettra le lien sur le site. Et c'est un site où Romain donne des cours de maths en vidéo. Alors, c'est super sympa. Et il s'est lancé un gros défi, c'est de fabriquer 500 vidéos donc durant cette année, du janvier 2011 à janvier 2012. Donc 500 vidéos, ça fait beaucoup, je sais pas comment il va faire, mais bon, 500 vidéos de maths pour des. Donc il est français, donc c'est pour des secondes, des premières, des terminales S. Donc c'est des lycéens, c'est des gymnasiens chez nous. Ouais. Et alors j'ai un peu navigué sur son site, là il a plein de vidéos, c'est super bien fait. Et bah voilà, il a un peu comme objectif d'aider ceux qu'on a un peu de la peine avec les maths, d'essayer de résoudre des exercices. Et il nous dit que sachant que chaque exercice de maths éclaire une notion de cours sous un angle qui lui est propre. Ouais, mais c'est un angle qui est super, qui change franchement de celui des profs de maths que j'ai pu connaître. Moi, je suis allé regarder un peu aussi, je ne suis pas vraiment branché maths, mais là, ça m'a parlé, quoi. C'est super efficace, c'est vraiment très très bien fait. Et puis, je suis allé lire aussi le About sur son site. Donc, il est ingénieur, il a eu besoin des maths dans sa formation. Enfin, c'est moi qui extrapole, mais il a besoin des maths, quoi. Et puis, à l'école, il avait parfois un peu de peine. Il passait jusqu'à 3 heures à lire, relire une consigne sans rien y comprendre parce que, voilà, il n'avait pas eu le bon exemple sous les yeux. Donc, c'est un peu à cette population qu'il s'adresse, quoi, de jeunes qui voudraient comprendre les maths, mais qui n'ont pas forcément les bons outils. Et je trouve que l'exercice est remarquable. C'est vraiment super intéressant. Et je le recommande également à tout le monde. 500 vidéos en une année, je sais pas comment il va y arriver, c'est complètement fou, mais mon petit doigt me dit qu'il va y arriver. Ouais, ben on lui souhaite bonne chance et bravo pour l'initiative. Ouais, formidable, effectivement, bravo. Professeur Fun, tu voulais aussi nous parler du flux RSS de Podcast Science, non? Ouais, alors ça c'est un peu plus technique. Donc le flux RSS, c'est ce qui alimente iTunes notamment, c'est ce qui alimente voilà, tous les baladeurs qui permettent de s'abonner au flux de Podcast Science. Nos auditeurs auront remarqué qu'on a eu quelques soucis ces derniers temps avec des fois des podcasts qui passaient pas, il a fallu remettre un correctif par la suite. Des fois on se retrouvait avec une autre émission carrément juste parce qu'on avait mis un lien dans les notes de l'émission. Le problème venait du fait qu'on mélange un peu tout, c'est-à-dire qu'on a le MP3, donc la version à écouter, dans le même poste que les notes de l'émission. Et puis on a un seul flux avec tout ça, avec tous les sujets. Et puis voilà, ça marche pas très bien. Donc on va séparer les choses, on va les cloisonner. On aura un flux RSS dans lequel il y aura le MP3 et rien que le MP3, c'est-à-dire la version audio. Comme ça, il n'y aura absolument aucun souci pour alimenter iTunes. Normalement, si on arrive à bien faire les choses comme on souhaite le faire, ça ne devrait rien changer. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous réabonner à travers iTunes. Ça devrait marcher du tonnerre. On a juste un petit doute. En fait, iTunes risque bien de recharger tous les anciens épisodes. Donc, si jamais ça arrive, pas de souci. C'est à cause de ça. Ça risque d'être un petit peu long, mais enfin, c'est pas dramatique. Et à partir de là, bah, tout devrait marcher beaucoup mieux. Et puis de notre côté, ça va nous simplifier la vie aussi, parce que ouais, régler les problèmes à minuit au moment où tout est prêt, c'est un peu fastidieux, quoi. Donc voilà. Donc ça, on va le Bah, faire ça va quand être ça? dans le courant de la semaine, Courant de la semaine. je pense, ouais. Ok. On va peut-être attendre que les gens chargent cet épisode pour justement entendre à quelle sauce ils vont être mangés. Puis je pense que le suivant sera déjà dans le nouveau flux. D'accord. Ok. Ou si tu voulais faire un petit rectificatif, enfin plutôt François Oudrea nous a fait un petit rectificatif, c'est juste? Exactement, ouais. Il me dit toutes mes honteuses excuses pour mon info sur les portes ouvertes de l'Observatoire de Lyon. Tu te rappelles Ouais, l'Observatoire de Lyon qui n'est pas à qui n'est Lyon? pas à Lyon, ouais. Donc le 6, il s'agit d'une soirée payante à 5 euros. Les vraies portes ouvertes auront lieu les 18 et 19 juin. Entrée libre et gratuite, voir le lien. Bon, c'est un lien un petit peu compliqué, je ne vais pas le dire là, mais on le copie dans les notes de l'émission. Voilà, puis mea culpa également, parce que j'avais relayé l'information sans aller vérifier ce que j'aurais dû faire. J'aurais pu vérifier, j'aurais pu lui signaler le souci. Enfin voilà, je ne sais plus maintenant s'il s'agissait du 6 mai ou du 6 juin. J'espère que c'était le 6 juin, comme ça les gens entendront le rectificatif. J'espère que personne n'est allé. C'est aujourd'hui le 6 mai, non? Hein? Ouais. Ah bon, on doit nous maudire si les gens y sont allés. quoi d'autre? Un petit retour oui, en fait, Mantine qui nous a fait un petit retour de l'épisode de la semaine passée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Exactement, ouais, c'était le podcast, enfin sur le podcast de Marc Montangero. Donc elle voulait partager un podcast qui ressemble un peu, qui s'appelle The Coolest Science Experiments on the Web. C'est de Scientific Tuesday sur Révision 3. Donc voilà, on mettra le lien, c'est révision3.com/scientifictuesdays. Ça se veut plus spectaculaire que pédagogique, Donc c'est des dit Fred. expériences un peu chimiques et tout ça, non? Exactement, ouais. Mais pas sans intérêt, nous dit-elle. Et puis elle nous dit encore vivement le retour d'Antoine. Bon, ça, on verra si ça vient. Donc c'était Mantine. Alors je suis allé regarder le dernier épisode où effectivement le présentateur fait fondre du gallium dans de l'eau à température ambiante. Ça, c'est une des particularités du gallium. Puis il s'amuse à mouler une clé en gallium pendant qu'il est dans son état liquide. C'est super bien fait, c'est extrêmement efficace et je trouve ça très instructif. Ça vaut la peine d'aller y faire un petit tour. Bon, c'est en anglais. C'est Ok. peut-être la limitation. Voilà. Et puis, ben, en ce qui me concerne, c'est un peu tout ce qu'on avait préparé. Je ne sais pas si toi, tu as encore quelque chose dans la liste de news. Non, je crois qu'on arrive au bout là. Ouais, donc bah, si jamais des news, il y en a encore des tonnes sur notre page Facebook où nos gros contributeurs s'en donnent à cœur joie. Il y a des trucs super intéressants cette semaine, donc si jamais, allez-y, facebook.com/podcastscience. Il n'y a pas besoin d'être abonné à Facebook pour voir la page, c'est public. Et puis sinon, ben, on arrive au moment phare, au moment tant attendu, au clou de l'émission, la quote de Mathieu. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une quote technologique qui est un peu sujette à débat, je pense. En tout cas, moi, elle m'a fait un peu réfléchir. Pas, je suis pas Allons-y. 100% d'accord, en fait. Mais je vais la dire quand même, parce que justement, ça permettra un peu de discuter. Alors, c'est en anglais. Je te la laisse traduire. Elle est de Chris Lehman. C'est un enseignant américain qui enseigne les technologies, si j'ai bien compris. Et la quote, elle dit la chose suivante. Technology should be like oxygen, ubiquitous, necessary and invisible. Ouais, ben moi j'aime bien, je suis 100% d'accord. Donc ça dit la technologie devrait être comme l'oxygène, omniprésente. Attends, c'était quoi après ubiquitous? Transparente? Ah oui. Ubiquitous, necessary and invisible. Voilà. Donc omniprésente, nécessaire et Invisible, invisible. ouais. Ben, moi je suis 100% d'accord. Non, non, je suis d'accord, mais j'ajouterais une modération. Vas-y. C'est-à-dire que, oui, la technologie doit être donc omniprésente, nécessaire, invisible, mais il faut pouvoir garder le contrôle sur cette technologie et pouvoir la maîtriser. Parce que je sais pas si tu as entendu parler d'un livre qui s'appelle, on en a pas mal parlé dernièrement de Douglas Ruskoff. Il a écrit un livre qui s'appelle Program or Be Programmed, donc programmer ou être programmé. D'accord. Et c'est alors bon, je l'ai pas lu évidemment, je parle toujours de livres que je n'ai pas lu, mais. Mais bon, ce qu'il a l'air de dire dans ce livre, c'est que finalement, la clé du pouvoir réside dans notre capacité à programmer des systèmes. Ouais. Et que pour les non-programmeurs, il y a toujours le risque que l'on ne soit plus, non plus des utilisateurs, mais qu'on soit utilisé par la technologie. Et lui, il préconise que l'apprentissage de la programmation informatique, la maîtrise de la technologie est un outil d'émancipation. Et ça, je trouve, ça rejoint un peu cette côte, parce que oui, la technologie doit être ubiquitaire, nécessaire, visible, mais il ne faut pas qu'on en soit esclave et qu'on la comprenne plus et qu'on n'en ait plus la maîtrise. Ouais, c'est vrai, je suis aussi d'accord avec toi, c'est vrai. D'un côté, ouais, moi ça m'a parlé quand t'as évoqué cette quote. Je pense en fait à des réflexions de Douglas Adams, qui est un auteur que j'adore, qui en a aussi quelques-unes assez bonnes, je trouve, enfin quelques quotes assez bonnes sur la technologie. Je suis vite allé les rechercher pendant qu'on parlait. Il disait par exemple, on s'emmerde avec la technologie alors que tout ce qu'on veut, au fond, c'est juste des choses qui marchent. D'un point de vue d'utilisateur, je suis assez d'accord avec ça. Il disait aussi, la technologie, c'est un mot utilisé pour décrire quelque chose qui ne marche pas encore. Je trouve que c'est pas mal. C'est vrai qu'une fois que la technologie marche, en général, on n'en a plus rien à faire de savoir comment ça marche. On oublie que c'est une technologie tellement c'est... Ouais, tellement ça s'est intégré dans le quotidien. Je pense, je sais pas, à des technologies formidables comme l'ABS pour les voitures, par exemple. Tu te poses pas la question quand Ah, Un ordinateur on a eu une petite calculer coupure leurs là. arcades, ou pas, tu freines, c'est tout, mais Ouais. ça marche. D'un autre côté, c'est vrai que la réflexion que tu as faite après, je suis assez d'accord aussi. Là, c'est en tant que, je sais pas, en tant qu'utilisateur d'iPhone, par exemple, moi, je deviens mûr, je suis frustré, je peux rien faire, c'est une boîte fermée, et puis, je sais pas, je dois avoir l'esprit un peu hacker, ça me convient pas, et ça me fait même un peu peur, à la Non, limite. mais d'autant plus qu'on a vu un peu la polémique qu'il y a eu récemment avec C'est vrai, l'iPhone, qu'on enregistre toutes les exactement. données de localisation des utilisateurs. Donc là, typiquement, on est dans un contexte où la technologie Apple est à quelque part invisible à l'utilisateur. Elle est même nécessaire de plus en plus. Mais voilà, on enregistre plein de choses sur l'utilisateur dont il n'a absolument pas conscience. Donc il devient utilisé par Apple, Exactement. l'utilisateur. Ouais, c'est vrai. Manipuler à l'insu de son plein gré, c'est vrai que c'est une des limitations. Hein. Même si, bon, en l'occurrence, je pense qu'on pouvait s'en douter de cette histoire. Hein. Oui, Pour moi, c'était évidemment, vraiment pas un non, scoop, c'est pas un scoop, mais... mais moi je trouve intéressant bon, faudrait que je lise son livre, mais ce que dit Douglas Rousseau, Program or Be Programmed, c'est-à-dire programmer ou soyez programmé. Bon, moi je suis programmeur, développeur, donc voilà, je suis à quelque part du bon côté De la force. de la force, mais c'est vrai, avec la programmation, du moment qu'on comprend les technologies, voilà, on arrive à la maîtriser et c'est, on arrive à quelque part à avoir du pouvoir et c'est un outil d'émancipation, comme il le dit. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il faudrait, ouais, je sais pas, il faudrait que chacun ait des notions de programmation, qu'on sache comment les choses sont faites derrière. Mais en même temps qu'on soit pas obligé de s'emmerder avec à chaque instant que ça marche quoi, Ouais, mais ça marche bien. ça me fait aussi penser. Là, j'ai écouté récemment un podcast de Place de la Toile où le thème c'était peut-on éteindre Internet? Ouais, c'était vachement bien. Enfin, c'est toujours bien, Place Ouais. de la Toile, de toute façon. C'est vrai que celui-là était particulièrement intéressant. Et ils étaient revenus sur voilà sur les printemps arabes et sur les pays comme en Tunisie, en Égypte où ils avaient coupé Internet justement pour un peu. Et ils avaient bon, ils parlaient d'une part d'une manière locale. Oui, on peut couper Internet dans un pays, mais est-ce qu'on peut couper Internet d'une manière globale? Alors là, il n'y a pas eu vraiment de réponse claire. Visiblement, c'est pas si simple de couper Internet complètement. Donc ça veut dire qu'on là, on se retrouve dans une situation où on n'a plus le contrôle sur la technologie à quelque part. Et ils ont un peu dévié la discussion sur sur la capacité de l'humanité à construire des machines qui deviendraient plus intelligentes que nous. Et du moment qu'on aurait des machines plus intelligentes que nous, ça veut dire que ces machines pourraient construire d'autres machines encore plus intelligentes qu'on ne pourrait plus du tout maîtriser. Et bon, moi, j'y crois pas trop à ça, personnellement. Moi, pas des masses non plus. Mais parce que je pense qu'on a toujours un bouton pour faire switch off, mais pour éteindre. Mais c'est vrai que la question qui se posait, est-ce qu'on peut éteindre Internet, c'est quand même pas si simple. Il n'y a pas non plus un bouton unique. C'est un réseau distribué Internet. Il n'y a pas un bouton unique. Donc ouais, c'est pas simple comme problème. Donc c'est faut faire attention avec la technologie. Moi, je pense qu'il faut toujours quand même garder une certaine maîtrise sur elle. Voilà. Ouais, bon, bah écoute, excellent sujet de méditation pour la semaine à venir. On a de quoi réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine? On se retrouve la semaine prochaine, ok. Bah, juste bonne idée. Allez, Alors, bon week-end, bon bonne week-end, semaine. ciao. Ciao, ciao!